c'est déjà mort. Ok. Laisse-moi un couplet que je démontre au rap qui est le king. Que les anciens se demandent mais bordel qui est ce qui. Pendant que les fous s'écrient mon dieu qui est ce qui. Choque nos oreilles ainsi mettez les boules qui est ce qui. Les rivaux adorent n'essayez pas de maquiller ce qui. Oh l'euro cousin je suis venu plier ce cri. Oh négro c'est la guerre ok on va plier ces tiges. J'arrive le rap est fatigué les piliers c'est frites. Les rimes sont riches comme moi à 30 piges. Quand je m'empare du micro même le diable transpire. Oh merde c'est la voix du feu que je retranscris. C'est trop chaud les PD sa folle, les transcrits, je les saigne tous. Ça c'est pour la partie blind sang. Reste pas devant idiot, tu vas te faire tartiner plan. Ok, pour faire mal au rap c'est parti maintenant. Et les petites me frottent comme si j'étais Francky Vincent. J'aime les femmes et les sables comme le hongrois le plus con. Je fais pas partie de ces négros qu'on voit plus quand y'a action non. J'arrive comme un convoi de pilon. Et vous allez avoir affaire à mon doigt le plus long. KR, noir comme la nuit vous êtes transparent. Petit voyou, tu voudrais bien que le patron t'arrange. Quand je rappe tu me respectes comme tes grands-parents. Avoue que des fritales comme ça y'en a pas 30 par an. C'est dur vous ne supportez pas la pression. Et je vais vous mettre cool, ça c'est mon expression. Ils sont chauds? Mais non, c'est juste une impression. Comme chez les profs on constate un fort taux de dépression. Je gère la vie, devinez ce que les cousines astiques. C'est sale, avec leur mec c'est trop court j'imagine. Pour dépanner je donne quelques cours gymnastiques. Enfin, elles appellent plutôt ça des coups dynamiques. Quelques paroles subtiles dans le but de la serrer. Toujours une ou deux d'aspect pour passer la soirée. Sur ma peau les traces de la griffe à serrer. Plus d'esclavage mais j'ai toujours le dos la serrer. Un freestyle pour le frère Osé Black. Celui qui dégaine autant de mixtapes que ce bon vieux DJ Hookie. C'est qui ça? Monsieur KR qui vient faire trembler les murs du peur à bordel. Même les nains se font tout petits. Ok, c'est qui ça? C'est déjà mort.